quand même, on vient de voir une attaque d'immigrants à des gens de l'extrême droite en cassant complètement une voiture où il y avait des gens. C'était super violent. Mais apparemment, il y a eu quand même un immigrant qui venait de se faire tuer par cette extrême droite. On en a marre de voir, de lire tous ces... de lire tous ces événements, de suivre une campagne électorale où en fait les immigrants sont devenus le bouc émissaire d'une politique d'austérité, d'une politique de corruption et de tout ce qu'on sait depuis longtemps. Et je te passe la parole. Tu peux, si tu veux, résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venu à Athènes et pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas, pour l'arrestation et tout ça. Et on continue avec... Okay. Bon. Bon, on est arrivé donc le 5 mai à Athènes, juste le jour avant des élections. Et voilà, ce jour-là, bah, on était crevés, évidemment, de la fatigue, de la psychologique, psychophysique. Et on ne pouvait pas... On a décidé de pas résister à la police ce jour-là. Donc... la nuit, nous, on n'avait même pas ouvert des tentes, on avait décidé de rester là, dans la place, sans les temps. Et on continuait à parler, certains dormaient, certains continuaient à voir qu'est-ce qui se passait. Et la police, vers 1h du matin, nous a éjectés de la place avec force. Et nous, on a décidé de partir. Λοιπόν, περιγράφω τώρα εν ολίγης ότι τα παιδιά είχαν ως τελικό προορισμό, όπως είπαμε πριν, την Ελλάδα, είχαν φτάσει στο Σύνταγμα, ήταν πάλι το ίδιο, να μείνουν στην κεντρική πλατεία για να κάνουν γενικές συνελεύσεις που καλούσαν τον κόσμο για μια πολιτική συνειδητοποίηση. Δεν είχαν κατασκηνώσει γιατί δεν τους επιτράπηκε. Ήταν κάποιες μέρες εκεί στην πλατεία, μένανε εκεί ειρηνικά, καθαρίζανε ό,τι σκουπίδια είχαν, κάνανε δηλαδή, αυτό το είδα και με τα μάτια μου. Μέχρι τη μέρα που ήρθαν οι αστυνομικοί, je vais décrire un peu, μέχρι τη μέρα που μετά, δηλαδή, c'était quel jour? Le 5 mai. Que vous êtes arrivés, mais c'était pas le 5 mai l'arrestation. On est arrivé à Athènes le 5 mai. Τα παιδιά φτάσανε 5 Μαΐου στην Αθήνα, ήταν εκείνες τις μέρες στο Σύνταγμα, είχαν έρθει και αρκετοί Έλληνες από Μεσολόγγι και Αγρίνιο να τους υποστηρίξουν. Et c'était quel jour l'arrestation? L'arrestation c'était le 15 mai, le matin. Και στις 15 Μαΐου ξημερώματα ήρθαν οι αστυνομικοί και τους είπαν ότι πρέπει να φύγουν και καλά για να καθαρίσουν. Κάθε μέρα ούτως ή άλλως γίνονταν καθαρισμός της πλατείας, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους είπαν να πάνε να φύγουν για να καθαρίσουν, αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν, γιατί κάθε μέρα βασικά δεν υπήρχε πρόβλημα στο να καθαρίσουν τις πλατείες. Μάλιστα κάποιοι Έλληνες μου είπαν κιόλας ότι πήγανε στα παιδιά, σε αυτούς που καθαρίζανε και τους ρωτήσανε «Σας ενοχλούμε να φύγουμε» και είπανε «Όχι». Οπότε ήταν καθαρά μια επιχείρηση των αστυνομικών για να τους διώξει από την πλατεία. Αυτοί αντιστάθηκαν, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν αντίσταση, απλά δεν φύγανε, τους λέγανε να φύγουνε, αυτοί κάθονταν όλοι μαζί, οπότε τους συλλάβανε, κάποιοι φάγανε και ξύλο. J'ai dit en tout comment ça s'est passé l'arrestation, tu peux dire ça en français. Bon, donc le 5 mai et le 15 mai, il faut aussi contextualiser ces journées. Alors, première chose, c'était terminé la période où, dans la place Syntagme, il s'est passé les assemblées, les activités de l'Agora qui étaient organisées ici à Athènes. Et alors, le 15 mai aussi, c'était le jour international, le jour de l'anniversaire de la révolution en Espagne, du mouvement d'occupation de l'espace public en Espagne. Et partout dans le monde, il y avait des actions, il y avait des mouvements de résistance, aux États-Unis, au Québec, en Espagne. Et donc nous, on était ici à Athènes comme groupe international. Et là aussi, sans les tentes, on a revendiqué les droits jusqu'au bout de rester dans cette place, qui est évidemment très symbolique, cette place Syntagme. Et donc voilà, la police arrive et nous disent qu'il doit nettoyer la place. Évidemment, c'est un nettoyage social, c'est ce qu'elle veut faire. Et nous, on n'accepte pas. À ce moment, on dit voilà. Oui, mais il faut quand même rappeler là, parce que je vous ai vu quelques jours à la place, que j'ai vu les gens nettoyer la place, il n'y avait aucun problème, ils ne vous ont jamais dit de partir. Et ce n'était pas d'un seul coup le rôle de la police de vous dire de partir parce qu'ils voulaient nettoyer, non? Oui, en premier, voilà, une menace qu'il y a l'eau qui va arriver. En effet, après, il y a l'emprise de nettoyage qui vient avec l'eau. Et voilà, il passe l'eau et nous, on reste là avec l'eau. Et tout de suite, quand la police voit que l'eau n'est pas suffisante pour nous dégager, alors intervient. Et ce qui se passe, voilà, elle commence pour une première à prendre un de nous. Et le fait que nous... Ça veut dire quoi, prendre un... Elle voulait arrêter quelqu'un, quand signe. Ah, voulait... avec les menottes, c'était... Oui, elle voulait prendre. Ah, ok. Elle voulait mettre dans la voiture. Et donc, l'esprit, en fait, d'unité qui nous caractérise, on est un groupe quand même très soudé, même si on est un groupe ouvert, peut-être pas des gens inconnus à la base. Et l'effet de toucher un de nous génère évidemment une réaction de comme on est tous ensemble. Donc si il arrête quelqu'un, il faut qu'il arrête tous. Donc on se rapproche tous vers nos compagnons qui est prêt d'être embarqué dans la voiture. Et on fait un rassemblement fort, tous attachés l'un à l'autre, et en empêchant l'arrestation d'une forme physique. Mmh. Dans le sens de résistance passive qui se produit avec... voilà, on ignore, voilà, on regarde, on ne s'occupe pas de la police. Il y a comme une force qui nous attaque et nous, on se colle tous ensemble pour éviter que cette force nous prenne. Oui, juste une question. Est-ce qu'il y a eu des actes violents de la part de la police? Évidemment, la police a la légitimité de la force. Elle est la seule qui a la légitimité de la force dans cet état, dans un état moderne, c'est la police qui a la force. Et oui, elle doit utiliser la violence contre nous pour nous détacher. Il doit faire de la force contre moi, contre tous, pour petit à petit nous détacher l'un de l'autre et nous embarquer. Il y a eu des actes violents, mais personnellement, je ne dis pas qu'il soit de la violence excessive, c'est de la violence symptomatique du système, c'est inévitable. Oui, mais j'ai entendu que quelqu'un a été en sang. Et un Grec qui s'est fait tabasser par la police, Aris, non? Oui, oui, bah, oui, bien sûr, après la police, quand il y a une réaction, elle tabasse, elle doit empêcher toute forme de réaction des gens, inévitable. Il peut être très fort, il peut être moins fort, il peut être pas proportionné à nos actes, mais elle est toujours justifiée par le système. Oui, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, voilà, après 2 heures de résistance passive dans la place, on était embarqué, on était amené au commissariat, on ne comprenait rien, on ne savait pas pourquoi on était là, nous ne disait rien. En fait, il était en train de chercher des accusations pour leur acte. Τέλος πάντων, μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στο τμήμα, στο οποίο βασικά όλοι τους μιλούσαν ελληνικά, δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Σημειωτών, επειδή τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, μείναν πολλές ώρες στο τμήμα, δεν καταλαβαίνανε τίποτα οι τουλάχιστον οι ξένοι, από την άλλη δεν είχαν στείλει και κανένα μεταφραστή από τις πρεσβείες. Bon, je résume un peu ce qui s'est passé, mais bon, tu peux parler en français, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent de Belgique. Et ce que je voulais savoir, c'est à quelle heure vous avez su vos accusations? On a su... On a su les accusations plus ou moins officiellement vers 19h, peut-être 18h30, quand on était face au procureur. Et c'est à quelle heure que vous avez été... On était arrêtés vers 9h, 8h30, entre 8h30 et 9h. Du matin. Donc c'est après 13h à peu près que vous avez su vos accusations, mais et c'est par qui? Parce que personne ne parlait français, italien, je sais pas. C'était par les procureurs, avec des avocats qui étaient là. Et qui parlait... Qui parlait anglais, plutôt. Ah, ok. Et est-ce que les ambassades n'ont pas été au courant? Alors, non, toutes les ambassades étaient au courant. L'ambassade espagnole, elle était très utile. Elle est venue, elle était restée là toujours, pendant toute l'arrestation, pendant tout le temps, elle était là. Par contre, l'ambassade française, il négligeait complètement ses propres... Et il faut dire que la majorité de vous, ils sont français, non? J'ai l'impression. Oui, le groupe, c'est moitié français, moitié espagnol, majorité. Après, il y a des Italiens, des Hollandais, des Belges, mais la majorité, c'est France-Espagne. Τα παιδιά μετά από 13 ώρες μάθαν τις κατηγορίες τους, οι οποίες οι κατηγορίες ήταν μόλυνση του περιβάλλοντος, ας γελάσουμε εδώ λίγο, και αντίσταση κατά της αρχής. Οι πρεσβείες δεν στείλανε κανένα μεταφραστή εκτός από την Ισπανική πρεσβεία. Καταγγέλνουμε σε αυτό το σημείο αυτού του είδους τη συμπεριφορά από τις πρεσβείες. Η γαλλική πρεσβεία μέχρι σήμερα δεν θα στείλει μεταφραστή αύριο στο δικαστήριο. Σημειωτένω ότι στην πλειοψηφία τους είναι Γάλλοι, Ισπανοί και είναι ένας Ιταλός, ένας Βέλγος, ένας Ολλανδός, αλλά η πλειοψηφία είναι Ισπανοί και Γάλλοι. Tu peux parler des accusations que vous avez... Ouais, bon, il y a fondamentalement deux accusations pour tous, qui sont la pollution de l'environnement de la place, ça c'est assez drôle comme accuse, et aussi il y a résistance à public, officier public, et aussi pour certains d'autres... Est-ce que je devine que ce n'était pas vrai? Parce que, bon, c'est eux qui voient ça comme résistance, mais vous n'avez pas résisté violemment, vous êtes resté là, oui. C'est tout. Exact. Donc là, c'est évidemment le concept de résistance, c'est libre interprétation souvent. Mais nous on a comme attitude, on n'a jamais fait des actes violents contre la police. On était à pieds nus, certains. On venait de se réveiller en pyjama, certains. Donc voilà, comme on pouvait résister à pieds nus, ça résiste violemment à la force publique. Nous, on ignorait. On les regardait dans les yeux comme une personne pour un peu les mettre en doute, pour les mettre en question vis-à-vis de leur attitude. On comprenait bien qu'eux, ils étaient gênés aussi de faire ça. Ils étaient obligés par un pouvoir, par le chômage. Juste, excusez-moi, je vais interrompre pour dire qu'en fait, c'était pas juste, j'ai pas juste deviné, c'était vraiment des fascistes d'extrême droite qui ont tué cet immigrant en dehors de la faculté de l'économie. Et ce qu'on venait de voir comme réplique, c'était les immigrants qui sont allés tabasser les fascistes qui étaient garés devant l'hôtel. Donc je devine que c'était quand même un règlement de compte entre extrême droite et immigrants. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Αυτό που είδα στον ΟΤΕΟ σε εκδήλωση βίας ήταν απάντηση των μεταναστών σε φασίστες που είχαν μόλις μαχαιρώσει έναν μετανάστη έξω από την ΑΣΟΕ. Και προφανώς από ό,τι μαντεύω αυτό το αυτοκίνητο το οποίο διαλύσανε και προφανώς πλακώσαν και στο ξύλο για αυτούς που ήταν μέσα. Ήταν φασίστες. Για μία ακόμα φορά, τόσο καιρό το ακούω, καλά πρώτη φορά το βλέπω αυτό με τα μάτια μου. Καταγγέλνουμε αυτού του είδους την συμπεριφορά, γιατί πρώτον δεν είναι λύση, η βία δεν είναι ποτέ λύση, αλλά δεύτερον θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να σταματήσουν, γιατί τουλάχιστον δεν είμαστε όλοι που μοιραζόμαστε αυτές τις απόψεις και δεν μας εκπροσωπούν αυτές οι απόψεις. Βαζί. Je vais faire un commentaire sur ce que je viens d'entendre. Ça, c'est comme, voilà, on a allié le parti naziste maintenant au pouvoir, plus ou moins. Et ça fait partie de stratégie, ça. C'est pour enflammer, évidemment, c'est pour enflammer les gens à la révolte. Pour après, l'État pourra se pencher avec toute sa force contre les migrants qui se révoltent, justement se révoltent. Et donc, installer toujours plus une dictature, toujours plus une forme de contrôle sur les corps, sur les gens. Et déjà, la situation des migrants en Grèce, on l'a vu même en prison. Oui, c'est ça. On va revenir parce que c'est quand même intéressant. Au Massimiliano. Λέει ότι και αυτός καταγγέλνει αυτόν τον τρόπο αυτά που βλέπει κιόλας και τους μετανάστες και μάλιστα θα αναφερθούμε πιο μετά στους μετανάστες που είδανε μέσα στα κρατητήρια και βασικά ότι λέει ότι εντάξει ότι υπάρχει ένα κόμμα ναζί το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και ότι είναι πάντα ένας τρόπος ελέγχου που θα γίνει όλο και πιο πολύ ακροδεξιός ότι και καλά ότι είμαστε όλοι κατά των μεταναστών για την κρίση αλλά... Όπως λέμε και όλοι, δεν είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει την κρίση και πρέπει να το θυμόμαστε για να το λέμε και να το ξαναλέμε. Είναι αυτοί θύματα της κρίσης, είναι αυτό που λέμε οι αδύναμες στις κοινωνικές ομάδες που είναι οι πρώτες που χτυπούνται από μια κρίση. Donc, on va mettre quand même un peu de musique pour un peu. Et on va parler après, juste pour résumer ce qu'on va dire après, ça va être votre séjour en prison et votre procès de demain, votre procès de. Pas de la semaine dernière, mais surtout le procès de demain. Μείνετε μαζί μας, θα μιλήσουμε μετά για το τι έγινε στο κρατητήριο. Θα αναφερθούν τα παιδιά αυτά που είδανε μέσα από τις, γιατί περάσανε και μία μέρα στη φυλακή, και για το δικαστήριο το αυριανό. Πάμε για λίγη μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Και επειδή έχουμε νεότερα για αυτό που έγινε στην ΑΣΟΕ, όντως μαχαιρώθηκε ο μετανάστης έξω από τη σχολή ενώ γινόταν η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών. Βγήκαν έξω οι φοιτητές φυσικά και απόθυσαν τους φασίστες, ενώ ξυλοκοπήσαν έναν από αυτούς και έναν ασφαλίτη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζεται η συνέλευση με τους μετανάστες παρόντες και η ΑΣΟΕ είναι περικυκλωμένη από 6 δημιουργίες στα στενά, στην Πατησίων, παντού. Je voudrais quand même dire ça en français parce que c'est quelque chose qui se passe maintenant. On vient d'avoir la confirmation, l'immigrant a été tué devant l'université d'ASOE, c'est l'université d'économie. Et au moment où il y avait une assemblée générale des étudiants, les étudiants ont interrompu l'assemblée, ils ont repoussé les gens les fascistes, c'est ce qu'ils disent, et un flic aussi qui était entre eux, ils l'ont repoussé, il paraît qu'ils l'ont tabassé. Apparemment, ce qu'on a vu à Massy, c'était la réplique des immigrants qui étaient en train de tabasser justement l'extrême droite, mais apparemment il n'y avait pas que des immigrés, il y avait aussi des étudiants, bravo aux étudiants, et aussi, mais bon, c'est ce qui se passe tous les jours devant la faculté d'ASOE, les camelots sont chassés, c'est parce que depuis je ne sais pas combien d'années ils vendaient leurs affaires là-bas, maintenant ils essayent d'arrêter tout ça, et on dénonce cet acte de violence, et en ce moment-là, devant la faculté d'économie, où il y a l'assemblée, où il y a aussi les immigrés qui participent, la faculté est bloquée par six troupes de police dans les ruelles devant la rue principale, c'est la folie. Et donc on continue un peu. Je voudrais quand même te demander, quand tu as été arrêté, que tu as été en prison, tu as vu quand même des immigrés. Oui, bien sûr. Il paraît que les prisons grecques sont remplies que des immigrés, des sans-papiers surtout. En fait, nous, on a été éparpillés dans 5 prisons différentes. Et ils vous ont divisé pour la nuit. Hein, c'est une forme aussi, s'il parle. Όπως λέει ο Μασιμιλιάνο, γιατί συνεχίζουμε και για το ιστορικό της σύλληψης. Μετά από 13 ώρες που τους είχαν εκεί για ανάκριση και χωρίς μετάφραση και όλα αυτά, που τους πήγαν τα δακτυλικά αποτυπώματα κάποια στιγμή και αυτά, το βράδυ, κατά τις 9, τους στείλανε σε διαφορετικά κρατητήρια. Ο Μασιμιλιάνο λέει ότι είναι φυλακές, τώρα δεν ξέρω αν ήταν κρατητήρια ή φυλακές, μάλλον φυλακές ήταν, γιατί τους μοιράσανε σε διάφορες φυλακές της Αθήνας, ίσως και για έναν τρόπο για να τους σπάσουν. Κάποιοι πήγαν στην Ακρόπολη, κάποιοι στη Γαδά, κάποιοι στο Παγκράτη, κάποιοι στην Ομόνια, και φυσικά ο Μασιμιλιάνο λέει ότι αυτές οι φυλακές είναι γεμάτες, οι κρατητήρια μάλλον, είναι γεμάτες από μετανάστες χωρίς χαρτιά. Il paraît que certains de ces immigrés, je me souviens de ce que Jordi a dit la dernière fois, sont restés là depuis plus qu'un mois. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'étais avec un Pakistanais, un Africain, là, dans la... Personnellement, ma cellule, elle était vraiment invivable. Il était gélide, sans couverture, sans matelas, avec simplement le marbre pour se dormir. Et bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui est venu me donner des couvertures, mais mon compagnon de cellule, il n'avait pas. Elle est restée toute la nuit réveillée, sûrement réveillée, assise. Parce que c'était trop froid. Cancino, hein? Cancino. Non, mon compagnon de cellule, non, pas Cancino. Le Pakistanais qui était là. D'accord, ok. Le Pakistanais était là. Ils n'avaient pas de... Ils n'avaient rien, rien. Et toi, tu as eu quelque chose parce que les gens sont venus... Ouais. Massimiliano Leia, tu stocké lui, puis il était même un Pakistanais. Λέει ότι εντάξει, ο τρόπος διαβίωσης ήταν ανυπόφορος, έκανε πακετό, ο συγκάτοικός του στο κελί δεν είχε τίποτα, κουβέρτες, τίποτα, ήταν όλο το βράδυ ξύπνιος, γιατί ούτως ή άλλως δεν είχε γιατί κρύωνε. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τα παιδιά από συμπαράσταση κάποια παιδιά απ' έξω πήγανε και τους φέρανε κουβέρτες και όλα αυτά. Donc voilà, nous, bon, on est européens, comme disait notre ami européen, on est plus ou moins protégés par d'autres lois, par d'autres situations internationales. Et donc il y a des activistes, des compagnons qui sont derrière nous. Mais c'est pas comme ça pour tous. Il y a plein de gens qui restent à pourrir dans cette cellule pendant des mois, des années, pour après être renvoyés. Et c'est, bon, nous, on a connu ça, on les a vus dans les yeux. Et c'est quand même forte, gravissime, comment la loi peut, comment l'État peut permettre cette forme d'emprisonnement sans raison. Et c'est très triste aussi que ce soit caché. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans les prisons, ils sont abandonnés. Λέει ότι όλοι αυτοί που είναι στα κρατητήρια και στις φυλακές είναι εγκατελειμμένοι. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, λέει, όχι μόνο αυτός ο τρόπος άσκησης βίας από την αστυνομία και όλη την νόμιμη βία, όπως ονομάζει ο Μασιμιλιάνο και όλοι μας, αλλά είναι και το θέμα το ότι εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στις φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα παραμένουν κρυφά. Et donc, demain, quand on sera au procès, tout ça, ça va ressortir, tout ça peut pas être caché. Voilà, on va raconter toute notre histoire, mais aussi toute l'absurdité du système d'emprisonnement qui est mis en place par l'État moderne, par l'État du contrôle. Λέει, εμείς αύριο θα καταγγείλουμε όλο αυτόν τον τρόπο άσκησης βίας, αυτόν τον παράνομο τρόπο άσκησης βίας που ασκείται από το κράτος και την νόμιμη βία. Avant de passer au procès, quand même, il y a eu un procès la semaine dernière, non? Oui, bon. Vous avez été, après la nuit en prison, vous avez été en procès et après libéré. Oui, parce qu'on était libéré, parce que pour des questions procédurales, d'autres indices, d'autres photos, d'autres papiers qui sont parvenus à la cour, donc on était libéré pour retourner dans une semaine. Et voilà, c'est pour ça qu'on était. Voilà, Ναι, κιόλας υπάρχει ένα άλλο που λέει ο Μασιμιλιάνο. Ήταν Ευρωπαίοι, είχαν ίσως μια καλύτερη μεταχείριση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άλλους που είναι στα κρατητήρια. Et après, c'est tout. Ok. Bon, quand même, il y a un appel général pour demain. Vas-y, parle. Donc, voilà, demain, tout le monde est bienvenu pour lutter ensemble, aussi dans la cour, là. Pour se soutenir soi-même, nous, les sans-papiers, les gens qui au Québec sont matraqués, sont emprisonnés aussi, partout dans le monde, il y a des actes. Peut-être le système il est en train de réprimer toute forme d'expression libre. J'ai lu au Québec qu'il y a une loi spéciale qui interdit toute forme de rassemblement autour d'établissements publics, d'établissements étudiants. Ça c'est nouveau? Ouais. Ο Μασιμιάνο λέει ότι θα είμαστε εμείς όλοι αύριο για να καταγγείλουμε την άσκηση της νόμιμης βίας, αλλά όχι μόνο αυτό, όλο αυτό που γίνεται στους μετανάστες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο το θεωρεί ανήκουστο, όπως επίσης και αυτή τη στιγμή λέει, ξεκινάει και η κρίση στο Κεμπέκ και όπως λέει αυτό το παγκόσμιο σύστημα που καταπιέζει τον κόσμο, και όχι μόνο καταπίεζε τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή στο Κεμπέκ λέει, έχουν βγει καινούργιοι νόμοι που απαγορεύουν, λέει, την συρρήγνωση ατόμων έξω από δημόσια κτίρια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που το σύστημα εφεύρει, επινοεί καινούργιους τρόπους, όλο και καινούργιους τρόπους καταπίεσης και εξουσίας. Donc demain 9h à Sou. Au Palais de Justice. Palais de Justice demain à 9h. Là, il y aura les procès. On verra ce qui va se passer. Λοιπόν, όπως και πάλι λέμε, 23 Μαΐου, αύριο 9 η ώρα το πρωί, ξεκινάει η δίκη των παιδιών. Καλό θα ήταν να είμαστε όλο και πιο πολύ εκεί, όχι τόσο και για στήριξη για τα παιδιά, αλλά και κυρίως γιατί και για τον συμβολικό και η ύπαρξή μας μόνο και η στήριξή μας στα παιδιά είναι και ένας τρόπος διαμαρτυρίας για αυτό που γίνεται εδώ, για κάθε τρόπο καταπίεσης της διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης του κόσμου. Και ελπίζει ο Μασιμιλιάνο ότι θα είσαστε όλοι εκεί για να στηρίξετε αυτό το οποίο παλεύουν να περάσουν σαν μήνυμα, άμεση δημοκρατία. Να σταματήσει αυτή η καταπίεση του κόσμου στην οικονομική κρίση που τελικά μόνο εμείς την πληρώνουμε. Il faut rappeler quand même, c'est ça, parce qu'on a des gens qui nous écoutent à l'étranger, que c'est quand même affreux. Moi, je trouve personnellement que jusqu'aujourd'hui, de ce qu'on m'a dit vos compagnons français, ils ont contacté l'ambassade française et jusqu'aujourd'hui, elle leur dit, vous êtes, c'est un problème interne du gouvernement grec entre vous, du gouvernement grec, ils n'envoient pas d'interprète. Il n'y a que l'ambassade espagnole qui envoie un interprète pour le procès. Et c'est quand même, je peux dire, de mon expérience personnelle, j'étais venue là pour témoigner parce que je te connaissais d'avant de Bruxelles, mais quand même, quand on m'a demandé d'interpréter, de faire l'interprétation pour les Français, j'ai trouvé ça absurde parce que c'est pas mon boulot et qu'en même temps, il faudrait quand même, comme un droit basique, que l'ambassade française, et non seulement l'ambassade française, il y avait des Suisses, des Belges, des Hollandais, des Italiens. Ouais, des Italiens, toi et tout ça, et qu'ils envoient des Polonais aussi, oui, et qu'ils n'envoient personne pour interpréter. Oui. Αυτό είναι επίσης θα θέλαμε κιόλας, δηλαδή μας φαίνεται λίγο αστείο γιατί μέχρι σήμερα τα παιδιά προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με τις πρεσβείες, τις ανάλογες πρεσβείες Γαλλίας, Ελβετίας, Ολλανδίας και κυρίως, από ό,τι ξέρω, το ξέρω σίγουρα επιβεβαιωμένα, η γαλλική πρεσβεία, στους οποίους από αυτά τα 16 άτομα, τουλάχιστον τα 7 είναι Γάλλοι, τους αρνήθηκε να στείλει διερμηνέα λέγοντας ότι αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα πολιτικό εσωτερικό μεταξύ σας και μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό φυσικά εμείς το καταγγέλουμε. Και λοιπόν, όπως και πάλι λέμε, encore une fois, on espère que plus de gens seront là pour supporter d'une manière symbolique. Et tu peux continuer un peu pour parler encore une fois de votre message, pourquoi vous avez fait tout ça. Ça serait bien quand même qu'on rappelle ça aux gens. Ouais, donc, depuis le début, on a désobéi. On a désobéi au système, aux règles du système. Depuis les premiers jours, on est parti avec la conviction d'ignorer les règles faites par le système. Από την αρχή, λέει, μας επιθυμίζει ο Μασιμιλιάνο το μήνυμα της πορείας αυτής. Από την αρχή που ξεκινήσανε, είχαν ξεκινήσει με μία πεποίθηση ότι δεν θα υπακούνε στους κανόνες αυτού του συστήματος που μας καταπιέζει. Parce que, bon, aller dans un place, faire ce qu'on fait, c'est pas, voilà, c'est pas légal. Dans nos états, c'est pas légal. Mais nous, on l'a fait chaque jour. Et donc, au bout de la marche, on a décidé, là, donc, quand s'est présentée la violence vis-à-vis de nous, qui pour la première fois, en fait, il faut reconnaître, s'est manifestée pour la première fois le 15 mai, bon, le 5 mai. Mais vous avez été arrêté avant, je me souviens de l'autre émission qu'on avait faite au Vatican, non? Au Vatican, mais c'était pas... Oui, il y avait la police qui nous a repoussés, mais on n'était pas arrêté, on n'était pas emprisonné, on n'a pas subi un procès. Donc c'était un bon accueil de l'État grec. Et au Massimiliano Simeone, και θα ήθελα κιόλας να το μεταφράσω αυτό ως αστείο, ότι σε αυτή την πορεία των 6 μηνών, τη μοναδική φορά που τους συλλάβανε και τους πήγανε στο τμήμα και στη φυλακή ήταν στην Ελλάδα. Donc l'histoire c'est que nous on fait nos propres règles, on décide ensemble. On construit ensemble notre propre forme de vie commune, de vie politique. Alors, ça se passe que cette forme de vivre, cette forme de faire la politique, il a un conflit. Forcément, il a un conflit avec la forme hiérarchique de la représentation, de l'État de contrôle, de l'État dirigé par les parlements et les capitales et tout ça. Et donc, il y a des moments où ces deux réalités rentrent en conflit. Et c'est là où se manifeste enfin l'essence profonde de ce qu'on fait, c'est dans les conflits. Les deux réalités voulant dire... La réalité de l'assemblée autonome qui fait ses propres règles, qui est cohérente à soi-même, qui est consciente de sa propre capacité de fonctionner. Je veux dire, au Massimiliano, λέει ότι βασικά υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ δύο πραγματικοτήτων. Η μία είναι η δική τους, που είναι οι γενικές συνελεύσεις, οι οποίες θεωρούνται παράνομες. C'est pour les assemblées générales, je veux traduire, qui sont quoi? C'est les assemblées du groupe, qui est un groupe ouvert, toujours différent. Les γενικές συνελεύσεις, αυτές τις ομάδες που έκαναν την πορεία, γενικές συνελεύσεις μιας ομάδας που ήταν κάθε φορά που κάναν αυτές τις γενικές συνελεύσεις, καλούσαν τον κόσμο να συμμετάσχει, να πολιτικοποιηθεί, να συνειδητοποιήσει το μήνυμά τους. Oui. Et donc, cette assemblée-là où, en fait, on fait une forme différente des sociétés, des règles, d'auto. Voilà, son fonctionnement est très très différent du fonctionnement étatique. Και η οποία αυτής γενικής συνέλευσης και το, της ομάδας αυτής η λειτουργία είναι μια λειτουργία τελείως διαφορετική από αυτό που μας επιβάλλει το κράτος και το σύστημα. Et donc et cette cette assemblée c'est ça c'est l'une réalité l'autre réalité c'est quoi? L'autre réalité c'est la réalité de l'institution de la représentation donc il y a και από την άλλη είναι η πραγματικότητα της, των, της του θεσμικού πλαισίου της της εκπροσώπησης αυτό που λέμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία c'est la réalité de la où il y a un structure qui a la légitimité d'utiliser la force contre quelqu'un, d'imprisonner. Η πραγματικότητα μιας δομής που έχει λέει την, το νομικό, την νομική δύναμη να εκφράσει μια νόμιμη βία, να φυλακίσει. Et qui opère d'une forme mécanique, d'une forme sans écoute, sans avoir le temps pour entendre, pour comprendre, pour reconnaître l'une les autres. Elle, l'expérience de sans-papier. Και που λειτουργεί αυτό το είδος η δομή, η κρατική δομή, λειτουργεί χωρίς κανένα ενδιαφέρον να ακούσει και να μάθει τον τρόπο σκέψης αυτών των ατόμων που συλλαμβάνει, που καταπιέζει, που υπάρχουν σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. En fait, la différence, une des différences fondamentales, c'est que l'État, c'est une structure fermée. Η διαφορά μας είναι ότι το κράτος είναι μια κλειστή δομή qui n'accepte pas d'exception. Που δεν δέχεται καμία εξαίρεση. Et par contre, notre forme de construire nos parcours. Και αντιθέτως, η δική μας μορφή με την οποία χτίζουμε την όλη, πώς να το πούμε αυτό, την όλη συνέχιση. Αυτό που κάνουν, τέλος πάντων. C'est une forme ouverte à l'inconnu, à l'autre, sans lui demander ses origines, sans lui demander ses papiers, sans lui demander quoi que ce soit. Και η δική μας δομή είναι μια δομή ανοιχτή. Δεχόμαστε όλους χωρίς να ρωτάμε από πού είναι ο άλλος, ποια είναι η προέλευσή του, αν έχει χαρτιά, τι πιστεύει. C'est une forme de relation basée sur les actes de la personne, dans le contexte où il est, quand il est là. Είναι μια δομή που βασίζεται στον τρόπο δράσης των ατόμων που είναι εκεί. Évidemment, c'est une forme embryonale. Évidemment, nous, on n'est pas la société parfaite, idéale. Mais c'est une base de la construction d'une. C'est une semence pour une nouvelle arbre, pour une nouvelle forme de vivre ensemble différente qui se résume dans ce microcosme qu'on a construit. Mais qui peut s'élargir, qui peut avec. Και η δική μας δομή, αυτή η ανοιχτή δομή, μπορεί να μην είναι ιδεώδης, αλλά είναι σίγουρα το παρομοιάζει ο Μασιμιλιάνο σαν ένα σπόρο που θα φυτέψει ένα δέντρο το οποίο θα οδηγήσει σε ένα άλλο μέλλον, σε ένα άλλο πλαίσιο τρόπο ύπαρξης. C'est une société de la contradiction, le paradoxe, l'absurde, elle est présente dedans. Mais il n'y a pas l'exclusion de l'irrationnel. Είναι μια δομή στην οποία λέει μπορεί το παράδοξο λέει να υπάρχει, το δεχόμαστε το παράδοξο, αλλά η εξαίρεση, ο αποκλεισμός των ατόμων δεν υπάρχει. Et aussi, fait notre présence après dans la place, c'est notre présence, mais c'est qui c'est nous? C'est nous qui est là dans la place pendant deux jours, une semaine, un an. C'est qui c'est nous, c'est tous, fait. Toute personne, il est bienvenu là. Et donc, nous, on est dans la place, mais dans les moments où on est là, tout le monde peut venir. Et donc, c'est un basculement du concept de justice, de société, d'être ensemble. Και η ύπαρξή μας στις πλατείες για ένα μήνα, έναν χρόνο, είναι όλοι εμείς, όλοι εσείς, είναι το απευθύνει και σε όλους αυτούς που θέλουν να μπουν σε αυτόν τον κύκλο των ατόμων που μιλάνε και που σκέφτονται, σαν έναν τρόπο ανατροπής αυτού του υπάρχοντος συστήματος, un basculement de quoi? Des formes de relations. des formes de relations sociales, économiques. Σε έναν τρόπο, σε μια ανατροπή της μορφής των σχέσεων και των κοινωνικών τάξεων και, και του τρόπου που υπάρχουμε σήμερα. Il est évident que la violence n'est pas. Elle existe. Il existe aussi la violence dans cette. La violence existe aussi dans cette société, dans cette forme de vivre. Και ακόμα και στο δικό μας κοινωνικό πλαίσιο, η βία υπάρχει. Ne signifie pas qu'on est des saints, des utopistes. Λέει, δεν είμαστε άγιοι και ουτοπιστές. Mais là. Elle est là, mais elle est réintégrée dans les relations sociales qui ont construit autour de nous. Υπάρχει αυτή η βία, αλλά είναι, αλλά μπαίνει μέσα. Maintenant, je sais pas comment. Elle est là dans le. Elle est là dans la relation. Cette violence, elle est intégrée dans cette relation, est transformée, est digérée, comme métabolisée. Αλλά αυτή η βία ενσωματώνεται και συγχωνεύεται μέσα σε αυτή την κοινωνική ομάδα και, και κατά κάποιο τρόπο ομαλοποιείται. Et donc voilà, c'est un essai. C'est une ouverture, une. Il y a mis à prospecter un énigme de oui. Et cette société est composée par tous les gens qui sont dedans. Et donc c'est entre l'externe et l'interne. Il y a une marge fractale. Il y a une marge qui n'est. Il n'y a pas une limite. Il n'y a pas une barrière où tu es dedans, où tu es dehors. Λέει, δεν υπάρχει, λέει, κανένας φράκτης, κανένα εμπόδιο, όλος ο κόσμος μπορεί να είναι μέσα και είμαστε όλοι εμείς μαζί που δημιουργούμε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο αυτής της ομάδας που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Μασιμιλιάνο. Oui, je pense, oui. De toute manière, le message principal, c'est que demain, il y a un procès le 23 mai. C'est pas le message principal. Le message principal, c'est ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez transmettre. Mais quand même, il y a un procès demain et tout le monde est au courant. Et on espère qu'il y aura du monde qui va aussi exprimer une résistance à ce système. Εμείς πάλι υπενθυμίζουμε ότι αύριο το πρωί στις 23 Μαΐου υπάρχει αυτή η δίκη στην οποία καλό θα ήταν να είμαστε όλοι, όχι μόνο για να στηρίξουμε, όπως είπαμε πριν, τα παιδιά, αλλά και να μπορέσουμε να εκδηλώσουμε την αντίστασή μας και την διαμαρτυρία μας σε όλα αυτά που γίνονται, νόμιμη βία, σύστημα και όλα αυτά. Quand même, puisqu'on a des gens qui nous écoutent à l'étranger, on dénonce toujours ces actes de violence contre les immigrés qui sont de plus en plus forts. Il y a aussi il faut rappeler qu'il y a la légitimité maintenant d'un parti nazi qui a quand même une présence au Parlement. On le dénonce, on ne l'accepte pas. Et c'est quand même un résultat d'une campagne électorale de PASOK qui voulait promouvoir le fait que c'est les immigrés qui sont la cause de cette crise. Et ils sont devenus un peu comme le bouc émissaire. Et comme conséquence, le message est passé, sauf qu'ils n'ont pas voté pour eux, parce qu'ils ont voté pour le parti nazi. C'est un parti de mafia, c'est un parti que, juste pour un exemple, j'ai entendu que, par exemple, il y avait une femme qui est rentrée chez elle et qu'elle a trouvé deux Pakistanais installés dans son appart. Elle était absente pendant un mois. Et au fait, elle est allée au poste de la police et ils lui ont dit de faire un procès, que ça allait traîner. Elle voulait juste rentrer chez elle. Et sa voisine lui a conseillé d'aller chez l'Aube Dorée, pour régler les comptes. En deux jours, elle a récupéré son appart. Et non seulement ça, ils ont même peint son appart, le remis à neuf, quoi. Donc c'est quand même une opération de mafia qui existe, qui en parasite, parce que le système de cet État, l'État même, n'arrive pas à gérer. Λέω και πάλι, το μεταφράζω για όσους με ακούνε στην Ελλάδα, ότι θα ήθελα κιόλας ακόμη μια φορά να καταγγείλω όλες αυτές τις πράξεις βίας, είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι φασίστες, είτε είναι ασφαλίτες, κατά των μεταναστών. Όχι μόνο δεν το εγκρίνουμε και όχι μόνο το θέλουμε να σταματήσουν, αλλά επίσης επιθυμίζουμε ότι ως αποτέλεσμα μιας εκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ, που ξαφνικά προσπάθησε να περάσει το μήνυμα ότι οι μετανάστες είναι η αιτία, είναι αυτοί που φταίνε για την οικονομική κρίση, που έγιναν ξαφνικά από διαπομπή οι τράγοι της οικονομικής κρίσης, το μήνυμα πέρασε, όμως δεν ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ, ψηφίσανε Χρυσή Αυγή. ψηφίσαν ένα κόμμα, αν θέλω να το πει κόμμα, το οποίο βασικά είναι μια οργάνωση η οποία λειτουργεί σαν μαφία. Έφερα το παράδειγμα που έχω ακούσει, το οποίο είναι αλήθεια και το οποίο εμείς τα ξέρουμε φυσικά αυτά, μιας η οποία γύρισε μετά από ένα μήνα απουσίας στο σπίτι της και βρήκε Πακιστανούς που είχαν εγκαταστραφεί στο διαμέρισμά της, πήγε στην αστυνομία. Η αστυνομία της είπε να πάει να κάνει έξωση και δικαστήρια. Αυτή ήθελε μόνο απλά να πάρει το διαμέρισμά της πίσω και η γειτόνισσά της στήσε να πάει στη Χρυσή Αυγή. Το αποτέλεσμα ήταν σε 2 μέρες. Πήρε το διαμέρισμά της πίσω και όχι μόνο αυτό, φρεσκοβαμένο. Και ως αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία βασικά λειτουργήσαν μέχρι τώρα ως μαφία σε ένα κράτος το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Τη δουλειά τώρα διαφθοράς και όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι ψηφίσανε όλη η μαφία και ως αποτέλεσμα είναι ότι τώρα υπάρχουν στη Βουλή κάποια άτομα τα οποία όχι μόνο δεν μας εκπροσωπούν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά σύν της άλλης έχουν αρχίσει, το κάνουν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα έχουν και μια ξαφνική νομιμοποίηση να δρουν με βίαιο τρόπο, με απερίγραπτα, όχι μόνο βίαιο, αλλά με έναν τρόπο... τον οποίο βασικά δεν θα έπρεπε καν να το ξέρουμε ότι υπάρχει, κατά των μεταναστών. Λοιπόν, αυτό το καταγγέλνουμε και ελπίζουμε στις επόμενες εκλογές να φανείτε πιο φρόνιμοι. Φυσικά όλος ο κόσμος, όλοι εμείς θέλουμε άμεση δημοκρατία και το έχω ξαναπεί σε εκπομπή, όσο δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την άμεση δημοκρατία και έχουμε αυτή τη μοντέρνα δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την οποία σημειωτέων την επινόησαν οι Αμερικανοί αυτή τη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας, απορρίπτοντας την άμεση δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν μπορούν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να συμμετέχουν σε αυτό το κοινωνικό σύστημα, σε αυτό το πολιτικό σύστημα, εφόσον δεν μπορούν να έχουν γνώμη γιατί θα επικρατήσει το χάος. Σε αυτή λοιπόν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εγώ προσωπικά προτιμώ να έχω κάποιον σαν τον Νίκο Τσαβές παρά κάποιον όπως έχουμε σήμερα. Aussi, je voudrais quand même rappeler, c'est un peu drôle en ce moment-là, la propagande qui a lieu contre le parti de Syriza. Et apparemment, il devient un peu comme la hantise de l'opinion publique à l'étranger. Le mec qui va nous faire sortir de l'eurozone, qui va détruire la Grèce à toute l'Europe. J'ai quand même remarqué qu'il y avait un article dans le, comment ça s'appelle, on a dit Bloomberg, disant que les électeurs en Grèce devraient penser un peu avant de croire au mensonge dangereux de Syriza. On ne sait pas s'il va tenir sa parole, mais déjà c'est quand même une personne nouvelle. Peut-être qu'on devrait quand même donner l'occasion aux personnes nouvelles même de gauche, parce que là on tease la gauche et tout ça, nanana, il paraît qu'il a aussi rendu visite à Hollande, rester sur les vieux partis corrompus qui ont détruit la Grèce. Αναφέρω και ένα πολύ αστείο άρθρο που διάβασα πριν από λίγο από το πρακτορείο Bloomberg που λέει, προειδοποιεί την Ελλάδα ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι θα πρέπει να σκεφτούν πέρα από τα επικίνδυνα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά έχει γίνει ο τρομοκράτης της Ευρώπης ο Τσίπρας, λέγοντας επίσης ότι όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, κανείς δεν τον ξέρει, ότι πουλάνε στους Έλληνες ένα ψέμα, ότι δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να εκπληρώσει τους όρους της Δανειακής Σύμβασης με τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, ψέματα όλοι οι πολιτικοί λένε, τώρα αν αυτός λέει ψέματα ή όχι δεν το ξέρουμε, μπορεί να το δούμε. Και επίσης λέει ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ο Τσίπρας είχε μια μικρή σταδιοδρομία ριζοσπαστικού αριστερού. Ακολούθησε την κομμουνιστική νεολαία στο Λύκειο και είναι ο παδός του πρόεδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσαβές. Με άλλα λόγια, δηλαδή, βλέπουμε όλη την προπαγάνδα που γίνεται στην Ευρώπη κατά του Τσίπρα. Φυσικά αυτό για μένα είναι ένας τρόπος να θέλω να γευτώ το απαγορευμένο φρούτο, δηλαδή να δω τι μπορεί να κάνει τελικά ο Τσίπρας. Το θέμα είναι όμως ότι μπορούν και μια φορά να τους δοθεί ευκαιρία να μην είναι μόνο απλά μια αντιπολίτευση που προσπαθεί και καλά να κατηγορεί τους άλλους. Ας δούμε τι μπορούν να κάνουν, εφόσον πάντα δεν μπορούμε να έχουμε άμεση δημοκρατία. Κάποια στιγμή Ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό. Πάμε για λίγη μουσική, δεν έχει τελειώσει εδώ η εκπομπή και μείνετε μαζί μας. Comme pour le plaisir, l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qui vous font rêver très tard dans les lectures. Et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Και λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πάλι το βασικό σήμερα είναι ότι γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στην ΑΣΟΕ. Εκτός από όλες τις διμερίες, εξιδημερίες αυτή τη στιγμή των ΜΑΤ που είναι εκεί, γίνεται μια γενική συνέλευση των φοιτητών. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, όπως λέει, επίθεση των ανδρών της ομάδας Δίας στην ΑΣΟΕ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, εμείς καταγγέλνουμε πάντα αυτό το είδος της βίαιης πράξης κατά των μεταναστών. Επίσης, επενθυμίζουμε ότι τα κλειστά κέντρα, τα οποία το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε να δημιουργήσει, δεν είναι λύση. Καταρχήν, δεν φτάνουν για να πιάσουν να κλείσουν όλους οι μετανάστες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση και ότι έχουμε δει πώς είναι αυτά τα κλειστά κέντρα στο εξωτερικό. Δεν καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πρέπει να παίρνει λεφτά τα οποία εξοδεύει για να κατεπίσει τους μετανάστες από το να λίγο να κοιτάξει πώς να βρούμε κάποιους τρόπους να επιβιώνουμε από αυτή την κρίση. Και πάλι σας επιθυμίζω ότι υπάρχει μια συνθήκη η οποία υπογράφτηκε πριν χρόνια, η συνθήκη του Δουβλίνου, στην οποία όλοι αυτοί οι μετανάστες εγκλωβίζονται στις χώρες στις οποίες έχουν φτάσει, το οποίο φυσικά σε αυτή τη φάση την πατάει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Την πατάει με ποια έννοια, ότι κυρίως ότι αυτοί οι μετανάστες ούτως ή άλλως δεν θέλουν να μένουν σε αυτές τις χώρες που υπάρχει κρίση, θέλουν να πάνε προς βόρεια, δεν τους αφήνουν, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα πρόβλημα αδυναμίας διαχείρισης μεγάλου αριθμού ατόμων που φτάνουν ξαφνικά στη χώρα. Pour ceux qui nous écoutent encore, il y a toujours l'annonce des centres fermés qui vont être créés. On ne comprend pas pourquoi, en ce moment-là, la Grèce reçoit de l'argent de l'Union européenne pour gérer le problème, entre guillemets, des immigrés, au lieu de trouver des moyens de sortir de la crise. On dénonce aussi qu'il y a quand même un traité de Dublin qui oblige tous ces immigrés d'être bloqués dans les pays de passage, les pays où ils arrivent, qui ne sont pas autres que la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et que finalement, c'est les immigrés qui font des kilomètres de marche, sont complètement bloqués, emprisonnés dans ces pays-là de crise économique. Et non seulement ils ne trouvent pas une vie meilleure, mais ils sont opprimés, maltraités, poignardés. Quand même aujourd'hui, cet immigré a été poignardé aujourd'hui à 3h de l'après-midi par les fascistes. C'est quand même des actes qui ont lieu tous les jours ici. Et quand même, c'est pas une façon de survivre à la crise économique qui nous oppresse tous. Si tu veux, tu as quelque chose à dire. Hein. Demain, c'est quand même le procès. Et je ne sais pas si... parce qu'on est quand même... On est arrivé à la fin de l'émission. Oui. Je veux dire qu'il faut... c'est pas par rapport au procès. C'est qu'il faut arrêter. Il faut plus avoir peur. En fait, c'est la peur qui se répand. C'est la peur qui opprime les gens, qui cache les yeux. La peur du divers, la peur de l'étranger, du sans-papier. Et alors, cet état de peur, ça devient une dictature. Ça devient une dictature psychique, une dictature physique. Et donc, il faut... la force, c'est réussir à toujours retrouver en forme de joie, en forme de bien-être, même dans ce conflit entre la peur. Et si cette joie se répand, elle peut déconstruire leur imaginaire. Et petit à petit, c'est pas immédiat. Petit à petit, cette force s'élargit et pourra faire changer un peu les choses. Et quand même, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a quand même un appel général. Aujourd'hui, le 22 mai, à 6h, à l'école polytechnique, ok, ça va commencer par là et ça va terminer au Parlement pour l'annulation du mémorandum. On espère qu'il y aura beaucoup de gens. C'est de toute manière, mis à part les élections qu'on attend, et c'est quand même une crise qui ne cesse pas quand même. Tu sais que je t'avais posé la question, mais je voudrais encore te demander. Est-ce que toi, comme Italien qui est venu ici, tu sens qu'il y a une crise Italie. En Italie, tu la vis, mais en Grèce, comme quelqu'un, comme un étranger. Oui, ouais, bien sûr. Évidemment, on l'a ressenti pendant les voyages. On a ressenti une forme... Voilà, les gens, ils n'arrivent plus, en fait. Ils n'arrivent plus à finir les mois. Ils sont exploités, et la paye, la moitié de ce qu'il y a en Italie, et le coût de la vie est majeur que ce qu'il y a en Italie. Et il y a des taxes absurdes, de plus en plus, je cite celle par rapport à l'électricité. Et on voit de plus en plus de magasins qui sont en vente, de plus en plus de choses à louer. L'économie, voilà, il y a une forme de stagflation évidente, on l'a observé. Dans les chemins, il y a des régions très pauvres. Peut-être qu'il était déjà pauvre avant, je ne sais pas. Mais il y a un état. En fait, on observe la Grèce dans un état d'abandon, d'abandon économique, d'abandon social, d'éparpillement de l'énergie, de pression psychologique dans les gens. Et le 25 mai aussi, il y a quand même, ils vous ont dit les gars, une invitation pour vous de l'Assemblée des Assemblées pour l'anniversaire du mouvement des indignés en Grèce. Le 25 mai, après-demain, c'est dans 3 jours. Oui, c'est et pour, donc on espère qu'il y aura du monde aussi. C'est l'anniversaire du mouvement, de la place Syntagma ici en Grèce, la première occupation. Στις 25 Μαΐου είναι τα γενέθλια του κινήματος των αγανακτισμένων στην Ελλάδα και η Γενική Συνέλευση των Συνελεύσεων καλεί όλο τον κόσμο να έρθει στο Σύνταγμα. το επενθυμίζουμε, το ακούσαμε τώρα τις προάλλες στο Σύνταγμα. Μέχρι τότε, πριν να σας πούμε γεια, ακόμα μια φορά μια σκέψη για όλους αυτούς τους μετανάστες που είτε είναι στις φυλακές, είτε καταπιέζονται, είτε τους επιτίθενται όλοι αυτοί οι φασίστες που νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Αυτό που κάνουν είναι να μας δένουν πιο πολύ και να μας κάνουν να αντιστεκόμαστε πιο πολύ σε αυτό το κίνημα της βίας το οποίο επικρατεί. Je dis encore une fois une dernière pensée, non seulement à cette immigrée qui a été poignardée dehors la fac, mais une dernière pensée à tous ces immigrés qui sont en prison, les sans-papiers. Et je rappelle que ces actes de violence, ils font que renforcer notre résistance. Bon, voilà, le résultat, c'est que maintenant, les immigrés, ils participent à l'Assemblée générale de la faculté de l'économie. Et je pense que ça, c'est le plus de qui ont... que l'État commence à peut-être avoir peur, parce que si les luttes différentes, différentes identités s'unissent, au-delà des différences, donc il n'y a plus la lutte des pauvres, entre pauvres, mais c'est ça qui pourrait faire peur, quand deux parties de la société qu'on essayait depuis longtemps de diviser, de mettre les pauvres contre les pauvres, l'étranger contre les citoyens, les sans-papiers contre, voilà, qui a les droits. Et ça pourrait dégénérer, ça pourrait être une nouvelle forme, une nouvelle... Et ça un peu correspond à l'esprit de cette marche, qui c'est où tous sont bienvenus au-delà de sa propre origine. Donc l'idée de la lutte commune, de la lutte... C'est plus la lutte des classes, c'est une lutte interclasse, c'est une lutte basée sur la diversité, sur l'union de la diversité. Και όπως λέει και ο Μαστιμιλιάνο, ελπίζουμε ότι αυτό το είδους οι μάχες, αυτό το είδους οι αντιστάσεις και οι διαμαρτυρίες θα οδηγήσουν σε ένα είδος κινήματος που δεν είναι πλέον ούτε κομματικό, ούτε κοινωνικών τάξεων, ούτε αριστεράς-δεξιάς, αλλά είναι όλοι μέσα με αυτή τον πλουραλισμό και την ποικιλία των ατόμων που όλοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κόμματα και τις πεπιθήσεις, αλλά όλοι μαζί διαμαρτύρονται για μια καλύτερη κοινωνικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε σε όσους μας ακούσανε. Merci à tout le monde qui nous a écouté. Merci beaucoup à tous les gens de la Belgique qui peut-être sont à l'écoute. Je retournerai bientôt à Bruxelles. Και ελπίζουμε να σας δούμε όσοι μας ακούγατε και αύριο στα δικαστήρια για έναν τρόπο διαμαρτυρίας ειρηνικό και όλοι θα είμαστε εκεί αύριο. Σε ουσία, je rappelle qu'il y a le procès demain, le 23. Aussi, je voulais remercier tous les activistes, les Grecs qui nous soutiennent, nous ont soutenus. Et sûrement, c'est pour nous comme groupe, c'était très, très, très important leur présence au procès. Et donc, demain aussi. Και ευχαριστεί ο Μασιμιλιάνο όλους αυτούς τους Έλληνες που ήρθαν και συμμετέχουν στο κίνημά τους, που ήρθαν ως στήριξη την περασμένη εβδομάδα στα δικαστήρια και σε όλους αυτούς που θα έρθουν αύριο. Γεια χαρά σας. Μείνετε πάντα στο Radio Ένταση.